est un peu intéressé par les Jeux Olympiques, les JO, qui suit un peu Non. Oh là, généralement, quand tu commences un sujet et que la réponse est Mais je voulais y aller parce que je voulais voir le truc de la flamme. Et quand j'ai vu les prix des tickets, je me suis dit, ouais, je m'y intéresse pas. La flamme sur Canal Plus, c'est plus passionnant. Mais c'est la seule fois de notre vie qu'on aurait pu les voir en vrai. Oui, non. Pourquoi tu t'es arrêté, toi? Parce que j'ai compris ta. Waouh! Elle vient de comprendre. Un retardement! Mais moi, je préfère le flambeau. Ah oui, avec Jonathan Cohen, toujours. Et tu parlais de la flamme sur Canal Plus. Bah oui, mais oui, mais oui, oui, oui, bien, bref. Bravo. Mais donc, ça coûte super cher de voir la flamme des Jeux Olympiques. Pas sur Canal Plus. On a perdu tout le monde, là. Tu sais, on a mélangé deux trucs. Il y a personne qui suit, là, vraiment. Mais c'est toi! C'est moi. Est-ce que j'ai une tête à mélanger les choses? Hein, vraiment. Entre la graisse, le sang et la chaleur. Bref, merci de nous avoir choisi. On a une émission, mais riche. Et quand je dis riche, c'est comme les plats de votre grand-mère. C'est comme les impôts, c'est riche. C'est, voilà, c'est quelque chose qui va vous satisfaire par les oreilles, de préférence. Ouais. Voilà, merci de nous écouter. Que nous soyons jeudi, que nous soyons vendredi, que ce soit le week-end, que vous vous êtes fait un super gros pont parce que voilà, vous avez décidé de faire un énorme pont. Bravo pour le gainage et surtout merci de nous écouter. On est avec vous encore pour une nouvelle semaine avec que des nouveaux délires. Ah oui, on va pas cycler, nous. Ah oui, on ne prend pas de vacances, nous. On fait pas des best-of comme certains. Hey. Et on fait pas des ponts. On fait pas des ponts. Voilà. Non, ça nous ferait peut-être du bien. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur, ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, dans la trappe. Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Wow. C'est une nouvelle semaine où on vous retrouve et on est très content d'être là avec vous. Alors je suis un tout petit peu enrhumé. Ah oui, pris de la gorge. Bah tu vois, c'est peut-être à cause de moi. Pourquoi? Bah les semaines précédentes, c'est moi qui étais malade et maintenant voilà. Ah c'est vrai? Je te l'ai transmis, oui. Ah j'avais pas capté ça. Eh si, j'avais même mis un message dans le groupe. Privé. Non, tu te plaignais que t'avais mal aux dents, c'est pas oui, pareil. Oui, mais ça c'était la semaine passée, mais la semaine encore avant, j'étais. Il y a une semaine où ça va? Non, je crois pas. Là par exemple? Bah pff, là, non, si, là ça va. C'est entre les deux quoi. J'ai encore un peu mal la dent, mais ça va. Super. Un nouveau point, très bientôt. Évidemment. Vous l'entendez rire, glousser même, je dirais. Pouffer. C'est beau, c'est. C'est peu raffiné pour une femme. Bon, la pouffe. Non, laisse tomber. Mais enfin. Mais c'est toi qui m'as lancé sur le. Bref, j'ai compris, tu m'as piégé, c'est pas grave. La douce et raffinée. Maëva est avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Jadoul. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va. Pouffé. Et qui que c'est là, bonsoir. Bonsoir. Alors ce samedi, à la télé, enfin ça fait quelques jours là que à la RTBF on voit que ça, là, c'est la 68e édition du concours. Eurovision. Ça, c'était la Belgique qui avait été avec ce son à l'Eurovision. Ah ouais? Ah, c'est pas une blague? Rassure-moi, on n'a pas gagné. Oh non. Attends. Alors, sachez que vous vivez dans un monde où tout le monde parle de l'Eurovision. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous remets juste les bases. C'est Musti qui va nous représenter cette année à l'Eurovision. Avec peu de vêtements. Vous avez déjà vu un peu ses prestations? Oui. Mais figure-toi que moi je l'avais vu au Doudou il y a plusieurs années. Sur la, il avait fait un petit concert. Doudou, c'est à Mons. C'est à Mons le Doudou. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Passionnante anecdote. Bon, bref, je vais vous présenter l'équipe de ce soir selon les pays européens qu'ils auraient aimé être s'ils étaient une chanson de l'Eurovision. Allez. C'est parti. Si Maëva était un pays, oui. Ce serait lequel? Ce serait l'Italie. Oula. Oh, t'en penses quoi ça? Bouf. Je préférais quand c'était Maneskin il y a quelques années. Ah oui, ça. Ouais. Quatrième dans le classement actuel selon les bookmakers, l'Italie. Ah, quand même. Ouais, pas mal. Franchement, je suis assez étonné de leur position dans le classement. Kix, un pays, ce serait lequel? La Suisse. Ah, c'est super. C'est européen? Ah non, oui, l'Eurovision, ils en font partie. Let me feel that burning fright. l'air du temps, ça. C'est sympa. Ouais, je préfère le pays de Kix au mien. Je peux changer. C'est un peu à l'art rudimental, vous voyez. Ouais. Oui, non, vraiment. C'est bien. Ouais, c'est vachement sympa. Bon, c'est bien. Mais sache que selon RTL, c'est eux qui ont le plus de chances de gagner. Ils sont en numéro 1 dans le classement de l'Eurovision en ce moment. Voilà. Bon, je peux aller jouer au loto. Non, peut-être pas. Bon, vite fait, comme ça, vous avez le classement. Il y a en deux la Croatie. Le nom du groupe, c'est quand même Baby Lasagna. Hein. Je trouve ça génial. En trois, il y a les Pays-Bas. Ouais, c'est un concept. Hein. Mais quelle horreur. Voilà, voilà. C'est Squeezie qui a créé ça ou Ouais, c'est vrai que c'est un peu dans la même veine. En cinquième, on a l'Ukraine. Ça, pour moi, c'est cliché Eurovision. C'est vraiment le son de l'Eurovision. C'est un peu comme Slimane, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Ouais, vous m'avez pas demandé quel pays j'ai choisi. Si je voulais être un pays. Tu veux quoi comme pays? Ah, mais qu'est-ce que je veux comme pays? Tiens, moi j'ai choisi la Grèce. Vraiment le truc qui te dépayse, quoi. Un petit pas de danse et tout avec. Waouh. Ouais, attends. Heureusement que c'est que de la radio, hein. Et t'as vu ce rythme? Ouais. Waouh. C'est incroyable. Tu sais ce que ça me donne envie de faire? Non. Très premier degré. Oui. J'ai envie de prendre des assiettes et tu sais. Ah oui, éclater des assiettes à la grecque, tu vois. Allez. Je m'entraîne. Allez, en rythme. Ah, arrête, Jadoul, arrête. Ouais, c'est bon. C'était tout là. Bah non, c'est bon. C'est fini. Ça va vous? Ça va bien. Oh, je suis défoulé. Tu rigoles, mais ce remix là pourrait se retrouver sur des radios urbaines. Hein. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y a des radios un peu tarées qui pourraient diffuser des trucs entiers comme ça. Pardon, on a cité des gens? Non, pas du tout. Non, c'est vrai, t'as raison. Merci de nous avoir choisi d'ici quelques instants. Vous en voulez d'autres de l'Eurovision? Tiens, j'en ai encore sous la main, comme ça on fait un petit peu le tour. À l'Irlande. Écoute ce truc, ils sont vachement barrés. Attention. Et là, les mecs ils vrillent, ils décollent. Bon, merci. Je prends l'Irlande. C'est vrai? C'est décidé. Et la Géorgie? Non. Ok, merci. Et la Lituanie? Non, pas du tout. Ok, super. L'Estonie? Non, pas déconner. Malte? Oh my god, you got me on. Et alors, ouais, San Mario, c'est quoi ça, hein, San Mario? Je sais pas. Ah merde, on est vraiment bon. San Marie. En géographie. La Sainte Marie. L'église, attendez, elles sont changées. Ils sont réveillés. Allez, Sainte Marie, vous êtes là. Et on finit avec l'Arménie. Ah hey, hey. Attends, vas-y, lance l'Arménie. Il est en 18 là dans la présentation. Ouais. Vas-y, fais-le. Les assiettes. Ah pardon, moi j'aime bien casser des assiettes, tu sais. C'est pour faire un album. Ouais, c'est vrai. C'est Eurovision and Breaking Plate. Pas mal, je pense qu'il y a un concept. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Oui, à peu de choses près, ça va, j'arrive, minute. Ça va, tout le monde est bien assis, tout le monde est bien installé. Parfait. Oui. Alors, the boarding. Ouais. Gros beauf de service de retour. On y va. Alors, attention, on se perd toujours dans la télé, vous savez, c'est notre séquence, le pour toi de la semaine. Ouais. Alors, je vous cache pas que nous, on a une ligne dans notre émission, c'est on ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'on prend jamais de vacances. Ouais. C'est vrai. Regardez, on a été là au Nouvel An, on a été là à Noël, on a été là. La fête du travail, on a fait du travail la semaine dernière. Là, on est en direct en ce moment. Donc, on s'est heurté à quelque chose cette semaine. Tous les autres sont en congé. Oui. Donc, en Belgique, quand la télévision est en vacances, il n'y a rien. Et bien, alors, vraiment rien. C'est le creux des vacances. On a fait tous les JT locaux. Là, vraiment, il n'y a plus rien du tout. Et quand il ne se passe rien dans notre pays, on révise nos classiques. Donc, on a été regarder une célèbre émission culinaire sur la télé locale de la province de Luxembourg, TVLux, présentée par Michel Boreux et Olivier Duroy, en compagnie de la chef de la semaine. Le concept de l'émission, écoutez bien, des recettes à base des produits locaux du terroir luxembourgeois et wallon. On écoute la recette de cette semaine. On fait la bœuf à la citronnelle. Voilà, une salade de bœuf à la citronnelle. Oh, c'est okay. Bien, spécialité asiatique. Donc, faisons confiance à la chef. Alors, faut le dire, elle a dit. Toi, tu te situes plutôt du côté des trois frontières, alors, oui. Hein, du côté de Messancy. Alors, tu te déplaces évidemment en Belgique, en France aussi, au Luxembourg, oui. Oui. Mais la France aussi. Oui. Un petit peu partout, puisque c'est les trois frontières. Tu sais que c'est ma région, moi je suis né à Messancy. On n'est pas loin. Voilà. Waouh, full ambiance. On peut pas en vouloir à Olivier, Kix et moi, on vient de cette même région. Oui. Et on en est aussi très fiers. Mais alors vraiment très fiers. Très. D'en être sorti. Aladi, est-ce que tu penses qu'on aura assez pour nous deux? Non. Non, je crois pas. Ils ont faim, les deux costauds. Mais manger n'est que la récompense à la fin. Il faut d'abord aider la chef à cuisiner. Mais j'ai besoin de cela. Ah, t'as besoin pour de mariner, hein? Pour mariner. C'est pour mariner. Ouh là là. Ouais. Attention. Allez, on peut le mettre dans quoi, par exemple? J'ai ça ici. Allez, c'est parti. Ok, première aide, trouver un plat pour mariner la viande. Ok. Allez, niveau suivant. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Aladi, si tu veux? Alors... Tu veux un pinceau, tu veux quelque chose? Non, oui. Un pinceau. Un pinceau? On peut aller voir si le peintre à bâtiment est là. Non, oui, c'est non. Ça. Eh bien, tu n'auras pas de pinceau. Eh bien, non, il n'y a pas de pinceau. Pas de pinceau. Donc, tu vas pouvoir faire ça avec ton... Tu vas t'aller à la main, éventuellement, c'est oui, ça hein. Oui. Allez, oui, prends tes doigts et fais pas chier. Besoin d'autre chose? Tu veux quoi? Tu veux une sauteuse? Oui. Ok. S'il te plaît. Ça, je maîtrise. Je prends ton wok, par exemple. Même avec le dossier. Okay. La poêle. D'accord. Une poêle, ça suffira. Maintenant, tu te tais. Olivier, non, éloigne-toi des sauces. Moi, je suis curieux. Oui. En attendant pour c'est, ça. C'est quoi ça, regardez comme c'est joli. Ah, c'est pour la sauce. C'est quoi comme sauce? C'est sorte de piment avec la. Pour ma... C'est quoi la sauce? C'est citronnelle. Ah, avec la feuille citronnelle. Oh. Ça va aller? Michel, faut que tu goûtes. T'avais qu'à pas goûter. Eh ben voilà, j'ai fait mon gourmand. Eh ben voilà. Ça pique, elle a dit. Comme on dit, ça pique. Ah, j'ai pas encore prévu, c'est ça? C'est le piment. Ça va encore un peu? Non, ça va aller, merci. Non, merci, ça va. Oui, là j'ai la bouche en feu. Oui, et alors quand on est pris par quelque chose, comme par exemple une grosse brûlure dans la bouche, bah, on pose des questions qui peuvent être vraiment vexantes, voire à double tranchant. Aladi, est-ce que tu connaissais Michel? S'il vous plaît. Tu connaissais Michel? Ah, oui, quand même. Oui, oui, Michel. Ben, c'est écrit oui, sur sûr. Son tablier. Oui, je vois à peu près, ouais. Bon, même après 20 ans en Belgique, la barrière de la langue est toujours là pour la chef. Mais heureusement, Olivier, généreux, l'aide, il rompt, il casse la glace. C'est bon, vas-y, je t'aide, je trouve tes mots. Oui, j'ai fait une sacrée connerie. Hein. Ça pique encore, hein. Oh, ouais. Ouais. C'est quoi ici? Ça, c'est Gustal. Gusta, et c'est quoi que. Là, ici? Oui. C'est quoi? Alors. Ah, du sucre? Oui. C'est du sucre? Non, c'est la. Comment on dit? Cuistax. Oui, c'est ça. Non, hein? Alors. Ne dites pas qu'Olivier se fout de la gueule de la dame là, qui ne sait pas parler. Non. Je vous avoue que j'adore faire ça aussi, faire croire des mots à des gens qui ne parlent pas français. Ouais. Disant, ouais, je confirme. Ça? Là, le truc? Oui, ça s'appelle. Une... Non, je vais pas le dire à l'antenne. Non, mais heureusement que Michel Boreux, il recadre. Cuistax. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Le cuistax, c'est pas ça du tout. Le cuistax, c'est un vélo que tu retrouves à la mer du Nord. Et tu sais, les vélos. C'est un vélo quatre roues. Enfin, bon, il faudrait quand même que ce soit clair et nos téléspectateurs qu'on puisse bien communiquer par rapport à tout ce qui était ajouté ici. Voilà, il était bien calmé, là. Ah oui. Allez, merci. On est dans une cuisine. Les blagues, tu les feras chez toi. Merci. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. Et une variante. Bienvenue. Alors, vous l'avez peut-être appris sur les réseaux sociaux. De quoi? Qu'est-ce que c'est? un truc. C'est ton anniversaire ? Non, non, ah, c'est okay. Décembre. Un truc, ça va vous rendre très nostalgique. C'est le retour du juste prix, les amis ! Le juste prix, votre nouveau rendez-vous sur M6. Oui, avec sur la M6. Gaffe. Mais non, c'est Eric-Antoine. Ok. Bah oui, parce que si je vous dis le juste prix, vous pensez directement à. Bah, la gaffe. La gaffe, Vincent. Oui. Bah oui, bien sûr. Et là, on se demande. Bah oui, on se dit 20h22. Que devient Vincent Lagaffe ? Oui. Sachez qu'il est toujours en activité. Coucou tout le monde, les gens. Je vais vous faire visiter le potager pour vous montrer l'évolution du bestiau. Voilà, il est chez lui, il est en activité, mais dans son jardin. Ok. C'est bien aussi. Les salades, bon, ben les salades, elles s'éclatent. Hein. Elles ont décidé de prendre des vacances, elles sont parties sans moi. J'ai du mal à les rattraper. Mais sinon, il va bien, il va très bien. Oh, c'est beau, il y a des tournesols. Eh, il a commencé à prendre de la gueule, le pépère. Valeur du tournesol, combien ? Je dirais... Plus, moins. Bah, le prix de la graine a monté, donc... On termine le tour du potager. Puis alors, on a replanté un melon parce qu'il s'est cassé la gueule avec les grosses pluies qu'on a eues. La pastèque, elle va s'éclater. Et là, je viens de me planter un concombre. Waouh ! Maëva, pas d'image. Est-ce que t'aimes la courgette ? Oui. Rien à voir de la courgette, madame. voilà. Merci. Dans un instant, notre invité, ce sera qui, Kix ? Michel Hazanavicius, il est réalisateur. Ouais, voilà, voilà. Non, mais en vrai, tu sais ce qu'il fait dans la vie. Ah bon ? Oui, et je pense que tu as aimé les films qu'il a réalisés. Ah ! Mais ? Ah, ça fait partie de ces gens qu'on connaît, mais qu'on connaît pas. C'est ça. Ok. Maëva, la question dans quelques instants. Qu'est-ce que les vitres ont de particulier dans les films ? Les vitres. Les vitres. Genre. Les vitres, les fenêtres, les. Voilà. Les vitres, elles sont transparentes. Eh ben dans les films, elles ont un truc de particulier. Mais il n'y en a pas, justement. Ah, ben si. Mais non, il n'y en a pas pour qu'il n'y ait pas de reflet de caméra. Bah, et quand il saute à travers une vitre. Ah. Ah. Ah. J'ai la réponse. Ah, ben tu attends de. Après. Est-ce que la réponse. On la retrouve beaucoup dans la canette que j'ai là. Je sais pas. Oui. Okay. Mais non, même pas, c'est un zéro ça. Non, non, c'est un chéri. Un bourré de sucre, chéri. Vous m'avez perdu là. Pas c'est pas grave, on explique après. Non, c'est pas grave. Merci Kix d'être avec nous quand même parce que c'est vrai. Un tout petit problème avec le lecteur. C'est pas grave, on passe à une pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. L'envie de vous évader dans la nature attise la curiosité des touristes, avec tout le confort à portée de main sous un regard singulier. Une visite s'impose chez Bert à Vin. Le propriétaire, Bertrand Froment, élu 4 fois meilleur sommelier du Hainaut, saura vous conseiller judicieusement dans le choix d'un centre public d'action sociale adapté à vos sensibilités, dans le but de satisfaire vos bénéficiaires, une référence qui questionne le monde végétal. Avec plus de 25 ans d'expérience, vous serez judicieusement conseillé et guidé dans votre choix. La devise du CPAS en achat ou location, soyez chez vous, partout, et profitez de la liberté en toute sécurité. Un accueil agréable vous est réservé toute l'année de 8h à 12h et de 13h à 18h du lundi au samedi, numéro 9, boulevard de l'Hôpital à Manage. Le Bair à Vin, téléphone 064 68 01 46 81 09. Joignable aussi par courriel info@cpas.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Bah, tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de souci. Waouh, les nouveaux jingles sont magnifiques. Maëva, oui. le fallait nous le dire plus tôt, comme chaque semaine on apprend quelque chose qu'on va oublier, qu'on adore entendre. Qu'est-ce que les vitres ont de particulier dans les films ? Alors toi t'avais une bonne idée, donc je vais commencer, je vais laisser une mini chance à Kix, même si je sais que voilà. Et même si j'avais une bonne idée, j'ai donné plein d'indices, il a rien capté. Non mais c'est ça, c'est pour ça que je... Voilà. Ok, je viens de comprendre parce que j'ai une idée en tête et je viens de repenser à ce que t'as montré tantôt. Bah vas-y. Je peux casser son idée ? Ah ouais. Enfin, je ouais. sais que les trucs qui cassent en général dans les films, montre-nous c'est que t'as de la jugeote. En sucre, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup. Exactement. En fait, ça m'étonne parce que moi, j'étais super choquée quand j'ai eu l'info, mais vous savez. Mais non, super. En fait, pour tout te dire, un jour avec Kix, on devait tourner des trucs et on a même presque commandé toutes ces bouteilles en sucre. Exactement. Pour oui, mais en fait, ça coûte cher à faire venir parce que c'est tellement fragile comme bouteille en sucre, fausse ouais. vraie bouteille, ça ressemble vraiment à des vraies bouteilles en verre. Ouais. Mais le conditionnement, tout le packaging autour pour pas que ça se pète durant le transport, voilà, du coup, ça nous a freiné parce qu'on avait toujours autant de budget que maintenant. Mais du coup, pour les auditeurs qui savent pas comme moi, en effet, c'est en sucre. Je vais quand même expliquer si tu veux bien. Donc, c'est en sucre. Mais en gros, c'est pour que les acteurs se blessent pas forcément. Donc, c'est le cas du coup pour les vitres quand ils passent à travers. Pour les pare-brises, pour quand les bouteilles, comme tu dis, si on casse une bouteille sur la tête. Voilà, voilà. Mais il y a un petit truc qui trahit, c'est que si vous regardez... Non, Jadoul, c'est pas en sucre, ça. Ah, et on n'est pas en Grèce. Si vous regardez un peu dans les films, quand vous avez les éclats de verre, c'est pas très réaliste, parce que ça fait comme de la poudre, en fait, un peu blanche. Et forcément, c'est du sucre. Et on a tous déjà cassé un verre, ça fait pas autant de poudre. Enfin, tu peux pas tourner ça au soleil. Comment ? Ça devient du caramel, après. C'est un truc qui est mort. Hein. En plus. Il est fou. Et comme ça, ben bon, voilà. C'est tout. Mais oui, mais en vrai, d'habitude, vous savez jamais, donc je suis super contente de vous apprendre un truc. Et là, mais vous, là, on savait. Là, je suis un peu. J'espère vraiment qu'il y a des auditeurs qui savaient pas et que j'ai appris un truc parce que. Non, il y a plein de gens qui le savent pas. Merci. Allez. Merci de me rassurer. Non, mais ils font des trucs impressionnants. Ils font des énormes baies vitrées. Ils font des. Mais incroyables. Et comme quoi, quand on fait de l'agroalimentaire, on peut faire du cinéma. C'est pour ça que ma fenêtre a fondu, en fait. Non, ça c'est parce que t'es dans un cote à Namur et que c'est les super logements. Ok. Non, okay. C'est rien à voir. Et donc, je peux essayer avec la vitre du studio Ah, c'est aussi un cote. Ah ouais, bah visiblement. Bon, on va se cotiser pour la fenêtre si vous voulez bien parce que non. Y a déjà le matos à racheter. J'ai déjà cotisé pour la planche des toilettes. C'est vrai. Que Maëva avait pété en. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas grave. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Yes! Et c'est l'heure de notre Végastral, notre tarot, et dans les mains de notre voyant bien-aimé. Voilà, je lui passe. Bonsoir Dominique Vegas. Bonsoir Jadoul. Oh, vous avez les mains si douces et si lisses comme une perle. Oui, ça va. Merci Dominique. Lâchez ma main maintenant, s'il vous plaît. Merci. Oh non, mais jamais je ne lâcherai une perle, voyons Jadoul. Je sais pas si c'est être sa perle qui me fait le plus peur ou si c'est qu'il lâche une perle. Enfin bref, oublions Dominique. L'horoscope du jour, vous êtes là pour ça, s'il vous plaît, le Végastral. Oui, en effet. Aujourd'hui, ce sont les Capricornes qui se font ressentir. Très bien. Allez-y, on vous écoute, faites le tirage. Capricorne. Oh oui. Oh mais dites-moi, mais ça presse. Dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos projets les plus ambiteux. Ambitieux, Dominique. Ambitieux. Oui, tout vient de là-haut, les cieux, les astres, mon Jadoul. Capricorne, ouais. Donc. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques, car il faudrait une formation magma, plasma, Karma, Ikea. Oui, c'est bon. Rendez pas ça encore plus compliqué. Poursuivez, Dominique. D'accord. Selon mes cartes, la santé est correcte. Je lis même que vous avez une bonne endurance. C'est bon à savoir. S'il y a des Capricornes qui nous écoutent, je suis disponible ce soir. En sachant que vous vivez encore chez maman, Dominique. Maman sera des dodo d'ici là, bien sûr. Allez, avant de nous quitter, si on faisait ce qui a fait le succès de votre consultation, le petit conseil en plus. Ça me concentre. Attendez. Je ne trouve plus le conseil du jour. Je l'ai perdu. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, Dominique ? Rien, pardon ? Rien du tout. Qu'est-ce que vous tentez de cacher dans vos mains ? Ce sont mes notes. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Pardon. J'ai vos notes, là, dans les mains. Ok, ça va, je passe à table. C'est femme actuelle, spécial horoscope. Oui. Depuis 22 ans, ça ne fait que repiquer les textes dans les magazines. Voilà, c'est dit, Jadoul, c'est dit. Non mais attendez, c'est de la supercherie, donc ça veut dire... Et quoi, et vos cartes ? Moi, jamais, Zadou. Jamais, je ne balancerai. Tu m'entends? Bon, bah, très bien. Mais Eva, t'as vu? Je n'ai pas dit que c'est toi qui mélange les cartes depuis le début. Mais. Parce que. T'as rien dit. C'est Maëva qui fait le bruit des cartes? Ah, vous êtes au courant en plus. Oui, on va discuter en antenne. C'est quoi, c'est... Non, c'est pas grave. On va tout. On va qui lui a dit, mais... Une réunion. C'est pas grave. Merci. Au revoir. Vos salades, vous les gardez pour vous. Au revoir, soleil. Au revoir, soleil. Oh, vous avez la main douce. Oui, c'est ça. Et bonjour, forêt. Vous avez de beaux ongles. Oui, au revoir. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. En podcast. Allez, c'est parti. Combini. Ah, oui. La célèbre interview Combini, version combinée chez nous. On reprend les questions qui sont faites chez Combini. On en garde les réponses et ouais. Vous faites des questions drôles. Et les moins drôles d'entre nous se prend un coup de... Combiné. Paf. Ah, paf. Paf. Waouh. C'est bien. Hein. Tu fais mieux que le vrai, je trouve. Parce que le vrai, il est où? Il est là. Ah voilà, ça y est. Ah là, un petit coup de combiné, ça fait jamais de mal. Hey, monsieur, excusez-moi, vous êtes... J'avais vraiment pas de proposition. Ah merde, ça c'était la question. Ouais. Je la refais ? Oui, vas-y, recommence. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous êtes ? Bonjour, je suis Michel Hazanavicius. Ah, je ne connais pas. J'ai réalisé les deux premiers OSS 117. Ah oui, quand même ! Ah oui, d'accord, bah, alors bienvenue. Je vais tout vous raconter. Non, ça va, on n'a pas le temps. On y va, interview combinée, on se focus maintenant. On se fait la première question, vous l'avez entendu. J'avais vraiment pas de proposition. Ça, c'est la réponse. Maëva ? Oui. Bah vas-y. Ah ! Waouh, le concept ! On essaie d'être fluide. Pardon, c'est son premier jour de radio. Oh, ça va. Pourquoi je suis sortie avec mon ex ? J'avais vraiment pas de proposition. Bah, d'autres propos, toi, j'ai presque... Moi, je la trouve drôle. Arrête, il a rigolé. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas encore entendu. Hors antenne, il a rigolé. Ah, parce qu'en plus, vous vous êtes entraîné. Oui. Waouh. Quand un employeur me dit, pourquoi êtes-vous venu postuler ici? J'avais vraiment pas de proposition. C'est ce que t'as dit à Jadoul? Oui. Bah, tous les deux, cette semaine. Waouh, la première, elle est dans le mur. Alors, rattrape-toi sur la deuxième. Quand on était petit, quand on faisait pipi dans la mer. Je me sentais bien à l'aise. Oh, ça va, on l'a tous fait. Non. Dans la mer, ça va. Bon, dans la piscine. Mais moi, j'ai jamais fait dans la piscine parce que je pensais que ça allait devenir rouge. Mais non. J'ai cru super gens, longtemps ça. À cette blague, je te jure. Pour savoir si quelque chose est vrai, on teste. Hein. Mais non, j'avais trop peur. Oh. Aïe. Bon, allez, c'est pas grave. Kix. Bon, on reste sur des phrases enfantines. En camping, quand je devais péter sous la tente. Je me sentais bien à l'aise. Mais j'oubliais qu'en fait, on m'entendait de l'autre côté. Bah, Eva. Mais pourquoi ? Troisième, on teste. Ok, on met les céréales avant le lait. Que ce soit clair. Si. Et toutes les personnes qui font différemment, ils s'en foutent. On va voir si c'est drôle. La règle de la maison, quand il reste une glace, c'est pour moi. Que ce soit clair. Je comprends le seum que c'est quand t'as vraiment envie d'une glace, t'es devant ta série Netflix. T'as vraiment envie de te... Oui, Maëva. Maëva, c'est bon. Ça, c'est pour la mauvaise foi. Et tu t'en prends parce que t'es... Tu me regardes avec ses yeux là-dedans. Okay, on se calme ? Oui, d'accord. Ok, sinon, moi, je passe au coup de taser. Hein. Non, j'ai non. pas de... D'accord ? Un coup de pelle. Non. Tiens. Mais ça va pas la tête. Bah écoute, il faut ce qu'il faut. Merci de nous avoir choisis. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus, désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Alors, je vais vous le dire honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'on fait. Ah, super. Ah, mais si. Formidable. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Le certifié. Ah, c'est super. Je ne l'ai pas. Mais je sais pas où il est dans les sons là. Attendez, c'est une émission vraiment torchée à la pisse aujourd'hui. Je vais vous le retrouver. Faites semblant que tout va bien. Bah, ça on n'a pas super. Mis les sons dedans. Ah, c'est ça qui restait à faire sur la to-do list. Bon bah c'est pas grave. Hein. Bon bah on va faire ce qu'on sait faire le mieux, hein, combler. Non, on va passer à la suite, t'inquiète pas. Combler, on l'a assez fait aujourd'hui. Est-ce que t'es prêt pour le FaceTime? Bien sûr. Ah bah alors voilà, t'as vu, et ça c'est là qu'on reconnaît des vrais professionnels, c'est qu'on peut passer d'une séquence à l'autre en toute transparence. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festime, à table festin. Allez, vas-y. Tout le monde a son petit buzzer. Non, bonne réflexion. Moi, ça marche pas. Ah, mais attends, mais je suis pas prête. Il est en train de tricher. Il y a des petites triches là. Tu arrives aujourd'hui, t'es pas prêt. Qu'est-ce je suis à côté de la plaque. Il y a des jours avec et des jours sans. Vas-y. Ah. Merde, c'est pas le bon buzzer, attends. Je me suis viandé dans le truc. Bon, au pire, regarde ça. Attends, merde. Buzzer. Putain, les gars, je suis largué. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis parti de l'émission et que j'ai rien fait. Oh là là, je pousse. Voilà, c'est bon, mon buzzer fonctionne. On commence tout de suite à découvrir la première personnalité. Et voici le premier indice. Je suis posé tranquille, normal avec mes potes. Quand je reçois l'appel banal d'un bureau de trotte. C'est que ça. Ah, moi j'ai aimé. Enfin, je suis pas sûr. Ouais, ça me dit rien, moi. Je reconnais même pas la voix. Roulez, jeunesse. Pardon. Ceci est une collaboration avec Jadoul. Oui, bien sûr. Bon, bah, on l'a pas. Vas-y, passe au deuxième indice. Deuxième indice, c'est parti. Ceci n'est pas un filtre, c'est mon visage et ma voix. C'est pas comment, en 8 minutes, j'ai pu ressembler à un Bogdanov. Jadoul. Regardez ma bouche. On dirait un pneu. Il y a des poutous. Je suis en full allergie, là. Je dirais que je viens de me faire marbrer par Cyril Gann. Salut, Bogdanov. Oui, je dirais que... Je suis en train de mourir. Bon, attends, il veut pas se couper. Oui. Merci. Je dirais que c'est le... Vas-y, tu peux le faire. J'aurais pas son nom. Ah, mais... bah oui, bah c'est raté. Ah non. Ah, mais plus quoi encore. C'est le mec défiguré là, qui joue dans tous les films. Ah, tu penses à. Bah, si je le dis, du coup. Attends, le mec, il va griller son jeu, il va donner la réponse. Bah, oui et non, parce que c'est pas ça. La personne que j'ai en tête, c'est pas ça. Si c'est Boudère, c'est la mauvaise réponse. Non, c'est pas Boudère que j'avais en tête. Alors... C'était le troisième homme défiguré, là. Elephant Man. Qui parle. Ah non, du coup, c'était pas sa voix. Laisse tomber. Okay. Je passe mon tour. T'avais buzzé ? Oui, j'ai buzzé. C'est fini pour moi. Bah, voilà. Oui. Dernier indice pour toi. Avec qui on te confond souvent ? On me confond avec Kev Adams et on me confond avec Kenji Girac. Quoi ? Alors là, je suis largué, moi. Ah. Qui est cette personne ? Tu vas le dire, je vais dire ah oui, mais non, je sais pas. Bon, bah. Je vous le dis. Mais oui. C'est le concept. Ok, c'était Ryan Bensetti. Ah non, ça m'énerve. Je le savais. Ah mais non, mais fallait. Je le savais. Mais fallait mettre Danse avec les stars. Fallait danser avec les stars. Bah oui, il a fait. Ah, parce que vous regardez Danse avec les stars. Mais non, que mais oui. S'il y a eu de l'audience, c'est parce qu'il était torse nu, il faut se dire les choses. Bon, bah, non, torse nu, ça dansait super bien. Alors, torse nu, ça ne s'entend pas à la radio. Hein. Bah, tu peux très bien mettre les commentaires de Vincent Cerutti à l'époque. Il disait oh là là, bah dis donc, je vais encore devoir passer des heures à la salle pour essayer de les galer. Bah non, vas-y. Bon, deuxième personnalité à deviner. Voici le premier indice. Deuxième manche, là. Deuxième manche, c'est ça, oui. De passage à Paris et qui donnera demain un concert unique à l'Olympia. La pop star y interprétera ses tubes, des mélodies qui se sont vendues à des millions d'exemplaires dans le monde. Pour moi, c'est la première fois que a joué à l'Olympia. L'Olympia. L'Olympia. Alors, qui a joué avec l'Olympia ? Ça se mange des l'Olympia. Donc, star international. Ok, vas-y, deuxième indice. Deuxième indice. Eva ? Elton John. Bonne réponse ! Tu sais quoi ? Oui. J'allais dire Elton John sur le premier son. Ok. Et je me suis dit, la voix, elle est beaucoup trop dynamique. Pourquoi tu t'es rappelé que Elton John aimait bien les Lumpia ? Oui, entre autres aussi. Cru. Donc Elton John, c'est ça. Hein. Pas tous les jours qu'on a l'occasion de le diffuser. Là, c'est le décollage, là. Merci. Bon, bah, ça fait un point pour Maëva. Yes. Attention, allez. Dernière manche, troisième personnalité à deviner. Rocketman, c'est quand même un son que t'écoutes. Soit quand t'es complètement défoncé, c'est pas bien l'abus de drogue et d'alcool est dangereux pour la santé. Soit vraiment. Parce que t'as une bonne sono chez toi. et t'as envie de te faire kiffer. Ou tu testes ton nouveau casque. Ça, c'est un des sons que tu mets à fond. Non, c'est pas ça que je mets. Ah, tu mets quoi, toi? Creep des Radiohead. Oh, le son préféré de ma vie. Si tu t'allonges au sol et tu mets les basses à fond. Voilà. Tu te crois dans un clip. Pourquoi au sol? Pourquoi au sol? Il a dit qu'on devait être saoul. Ah oui, oui, vous savez bien, ouais, c'est ce que j'inventais. Mais moi, le jour où vous m'enterrez, là, prochainement... mettez ce son à mon enterrement, faites-moi plaisir. Ok. Cet extrait de radio fait office de testament. Mais okay. On met quand même des bruits de fête foraine. Non. Ah. Sobriété. Et on se couche sur le cercueil. Non. Non, mais c'est vrai que un jour on fera ça, on fera l'exercice d'imaginer nos enterrements à l'antenne. Okay. Ce sera cool, ça. Ça sera encore un truc de bonne humeur et de joie. Ça va être sympa. Ou alors du Régine. N'y touche pas. Ni demain. C'est le gros écart avec toi. Ouais, je sais. C'est souvent le problème. Attention, monsieur, ça va redémarrer. On y continue. Ça redémarre avec cette troisième manche. Ouais. Voici le premier indice. On pensait boire une bière, on se faisait assommer en 2-3 coups, quoi. Alors non, c'est pas le mec de Maeva. Personne? Non. Deuxième indice. Ou alors, je mettrais ça à mon enterrement. Mais... Pardon. Non, pas pour un enterrement. Bah si, c'est... Ouais, pas ouf. Et ce sera incinération, moi, en plus, donc. Bon, tu sais, qui c'est qui boit des bières, là? Ah oui, pardon, vas-y, deuxième indice. Deuxième indice. La boîte de thon, pour tous ceux qui sont fans de bodybuilding, etc. Personne. Le thon et les bières. La voix. Personne. La boîte de thon. Non, merci pour l'imitation, Eva. Bon, c'est la dernière manche, c'est là où tout se joue, et c'est le dernier indice. La bague, c'est à vous, elle était déjà sur la main, quand vous l'avez. Ouais, ça, c'est la bague de mariage. Je tiens juste parce que je vois que Faudel tire une tête depuis tout à l'heure. On parle d'un monsieur qui... Bah Eva l'a fait avant. Oui. Je suis pas... C'est... Non, je dis le... Bah c'est pas grave, vas-y. Patrick Sébastien. Non, je sais pas. Jadoul. Dieudonné. Oh merde. D'accord, c'est bon. Bon bah c'est Maeva qui a remporté le parti. Hein. Quoi, c'était qui? C'était pas du tout Dieudonné, c'était Fabrice Eboué. Merci Maëva. Mais si, mais pas des gens que je connais, je pourrais jamais. Bah, Fabrice Éboueur. Bah, c'est le concept du jeu. Fabrice Éboueur. Comment ça Je sais pas. Ah bah, il va être content. Mais attends, je le connais quand je vais voir sa tête. Attends, je cherche. Il fait quoi? C'est qui Fabrice? C'est un humoriste. Ah, ok. Oh là là, mais ça va, c'est pas parce que tu connais pas un artiste que. Ok. Tu crois que quand tu fais tes chroniques, je comprends tout ce que tu dis? Non, ça j'ai déjà remarqué. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. Faute de Tix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Hein. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. On avait un certificat à faire. Oui. Ah bon ? Ah bon ? Est-ce qu'on a mis les sons dans la boîte ? On a mis les sons dans la boîte. Ah. Tout est là. Vous vous souvenez d'Alain 2-3 ? Oui. Ah, oui. Alain 2-3, dans l'émission, on aime bien prendre de ses nouvelles à peu près tous les 6 mois. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas Alain, c'est un TikToker carolo. Ça part bien. Son concept, faire 2 vidéos par jour. Mm-hmm. Très assidu. Ah oui, il est carré, hein, le gars, hein, sauf quand il déprime. Et il nous montre ce qu'il mange. Ouais. Le midi et le soir. Bonjour les followers. Aujourd'hui, j'ai préparé des spaghettis. Que c'est bon les spaghettis, wesh, que c'est bon. Wesh, vous avez bien entendu. Oui, il est allé dans la rue. Ah ben, il apporte un peu de nouveauté dans ses vidéos, là. Wesh, Alain. Alors, c'est quoi la suite de tes spaghettis, bro? À sauce tomate, avec de la viande hachée, un oignon, échalote, de l'ail, bien sûr. Merci. Et frère, tu rajoutes quoi? Comme épices, du sel, du poivre, ciboulette, persil, gingembre. Oui, moi je mets de la gingembre dedans. Mais c'est bizarre. Mettre un peu de fromage, menthol, curcuma, des épices de Provence et des épices spéciales pour pâtes. On pourrait s'arrêter sur chaque mot. Déjà, les mentales deviennent du mental. Du mental, ouais. Le gingembre. Il a mis tout ce qu'il avait dans le placard. Oui, c'est ça, il a mis tous les épices qu'il avait. Mais wesh, ça a l'air délicieux. Que c'est bon, ça. Que c'est bon, wesh. Wesh. Oh. Bon, alors il faut pas oublier le secret pour réussir le plat. La sauce a mijoté un peu plus de 2 heures. Bismillah. Évidemment, oui, on est sur un registre qui correspond, mais alors là, très bien à Alain. Trop chaud. Idiot de parler parce que c'est chaud. T'as pas bon. Il sait toujours pas attendre que ce soit à température pour manger sans se brûler. Comme de serre, un tas d'un autre fruit. Alors cerise. Donc c'est bon, c'est ça, ouais, c'est bon. Bah, bismillah, comme on dit. Et donc la boisson. Et un grand verre de menthe. Ah là, super. Ah, c'est fou, hein. Ah, ouais. Ah, c'est fou comme certains mots ne vont pas dans toutes les bouches. Il a changé. Oh, regardez-moi. Abdoulilah. Ouais, non. Non. Non, c'est ça pas. Je suis pas crédible. Qui va se régaler ? Alain. Pour moi, vraiment, quand tu manges un dessert comme ça. Un danone pâturette au chocolat blanc. Tu ne dis pas. C'est une règle élémentaire pour moi, je. Tous les mercredis, c'est la trappe. Jadoul et toute son équipe. Partout en podcast. On est avec vous ce soir pour vous changer les idées en plein milieu de la semaine. On s'est fixé comme mission d'au moins vous décrocher un sourire. Ah oui. Même si c'est malgré nous. On essaye. On va essayer, on va faire de notre mieux. Oh, ça faisait longtemps. Enfin, ça fait 7 jours, je dis ça chaque semaine. Les inflops. Oui. Allez, on en fait. La première, Ludovic, 54 ans, a eu une fin au travail, ce qui nous arrive tous. Alors ça tombe bien, il est employé d'un magasin et donc il a pris une canette, un paquet de gâteaux et des mini saucisses et il est allé dans son bureau pour les manger. Comme il y avait du monde à la caisse, il s'est dit il le paiera le soir même quand il va clôturer sa caisse, pas de problème. Okay. Il oublie. Ah. Bon c'est pas grave, il s'en rappelle le lendemain et le lundi quand il arrive, il paye ses articles, tout ce qu'il a consommé est payé. Oui, alors pas, ça va. Pas de souci. Ouais. Un mois plus tard, son employeur le licencie pour cause réelle et sérieuse et attention, des agissements qui ont causé au magasin un préjudice de 5,48€. Waouh. Oh le pauvre. Ah oui, c'est ouais, il les a ruinés là. Ah bah là c'est faillite hein, je pense, on est au bord de ça. Non mais vous vous rendez compte, selon l'enseigne, s'il n'avait pas pris des mini saucisses mais plutôt des grosses saucisses de taille normale, l'homme serait actuellement en prison. La vie ne fait pas de cadeaux. Deuxième inflop fan de sport, sachez que la première rencontre internationale de beach volley. Oui. Naturiste en salle. Ça va bien qu'il y avait un truc pas logique. Rencontré beaucoup de succès. Sachez-le, ça s'est très bien organisé. Il y a eu du monde, c'était chouette. Dans le règlement, aucun vêtement n'est autorisé lors des matchs. Et les prises de photos sont interdites. Forcément. C'est pas plus mal. C'est mieux. On se sent plus à l'aise. Sauf pour le service communication de la Fédération française de naturisme qui réalisera des prises de vue uniquement auprès des volontaires. Voilà, voilà. Imaginez le truc. C'est le seul endroit sportif où faire des pronos sur les résultats du match devient, on fait des matchs porno pour un résultat. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Bref, troisième et dernier flop en Roumanie. La compagnie de bus locale propose aux usagers de gagner des titres de transport gratuits. Quoi? Oh. La seule condition, effectuer des squats. Vous savez, c'est cette position. Ouais, on s'abaisse. C'est du sport. Avec les fesses. Le principe est simple. Chaque habitant qui fait 20 squats devant l'automate reçoit gratuitement un ticket de bus. Le tout est contrôlé par une borne avec des capteurs, des caméras et tout. Ok. Mmh. Bon, en soi, c'est bien ça. Oui, ça fait bouger. L'initiative du sport. Voilà, Maëva va redécouvrir des muscles qu'elle connaissait pas. Oh, mon dieu. Tu sais faire des squats? Qui ne sait pas faire des squats? Allez, séance de squat pour tout le monde, c'est parti. Tout le monde sait faire des squats. On va tester hors antenne. Mais pensez à Martine, 89 ans. Ah oui. Hey, elle devait faire 227 km pour aller chez son cardiologue. Moment qu'elle déteste, elle a pas envie. Alors elle a calculé son itinéraire en bus. 7 correspondances, ok. Et en Roumanie, il faut savoir que c'est un ticket par bus emprunté. Donc il faut 7 tickets, ce qui fait au total 140 squats. Mais comme elle n'aime pas le cardiologue, elle va faire les 140 squats. Car elle préfère crever. On vous souhaite une bonne soirée. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tous les mercredis, Jadoul. Maëva, cette semaine, je ne vais pas te faire l'affront de nouveau de devoir annoncer nos deux amis. Non, parce qu'en plus, je n'ai pas étudié. J'avais dit que j'étudierais le texte. Ça, on a l'habitude, Maëva. Tu nous annonces faire plein de trucs. Et puis, on arrive, on est déjà la semaine suivante. Et... Menteur. J'aime bien parce que son regard est à moitié crédible. Ouais. Non. Elle a un espèce de tic de l'épaule là. De... Je sais que t'as un peu raison, mais. Je... Non, c'est pas vrai. Je fais ce que je dis. Ok. Et ce que je veux. Aussi. Tu peux nous teaser le hockey boomer là qui arrive dans un instant. Exactement. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Mais je vais vous faire deviner trois informations qui circulent cette semaine pour vous les expliquer. Le pitch là, il est pas fou, mais. Mais si. C'est trois informations qui circulent et moi je vous les décortique comme ça, ben, vous seriez plus intelligent à la machine à café. Voilà, là c'est déjà mieux. C'est déjà un petit peu mieux, ouais. Ouais, là tu nous l'as vendu. Et on peut tester une troisième manière de nous l'annoncer. Bonsoir. Bonsoir Maëva. Ça va? Ouais, ça va. Tu nous fais quoi dans le hockey boomer dans un instant? Je vais vous faire deviner des choses. Oh. Va falloir trouver. Tu vas nous susurrer des indices? Peut-être, si tu les mérites. Bien sûr que je les mérite. On y va, on se fait. Radio Familioul maintenant. On prête nos émetteurs 3 minutes à nos. À nos modèles. Il faut le dire, il faut l'avouer, un jour c'est nos modèles. Oui, ça se ressent un peu parfois. Oui, bah, c'est vrai, merci. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où la programmation musicale leur échappe. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Falminioul. Comme toujours, je suis accompagné par mon acolyte à ma droite. Où c'est qu'il est? Tu cherches quelque chose, René? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais à quatre pattes sous la table? Je cherche la caisse à vinyle. J'ai complètement oublié de préparer les musiques qui devaient passer aujourd'hui. Bon, tant pis. Tiens, prends déjà ce vinyle-là. Tu ne pouvais pas faire ça hors antenne. Eh bien non. Je devais absolument terminer mes mots croisés dans le journal. Je le fais toutes les semaines. D'ailleurs, j'ai trouvé la réponse. Le mot du jour, c'est... désordonné. Désordonné, j'aurais plutôt dit que c'était ton horoscope, ça. Enfin, soit. Chers auditeurs, chères auditeuses, nous allons nous retrouver juste après ce titre qu'on va jouer sur la platine Dalida avec Gigi Lamoroso. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux. René, ça, c'est Aznavour, c'est pas Dalida. Moi, j'ai certainement dû le ranger dans la mauvaise pochette. Bon, tiens, change vite. Tiens, voici celui de Dalida. Je n'ai rien oublié. Veuillez nous excuser, ce n'était pas le bon disque sur la platine. Tout de suite, on écoute bel et bien Dalida avec Gigi Lamorora. Gigi. On écoute Gigi maintenant. Mais c'est pas ce qui est écrit dessus. Il ne fait pas mention de Gigi, c'est écrit son accordéoniste. Ah, bon. Bah, mais c'est fini au hasard. Tant pis, le temps que je cherche. Merci. Allez, bonne écoute. J'ai toujours porté bonheur. Guy, notre métier, c'est de trier les vinyles et de les diffuser. Si on ne sait même plus faire ça, à quoi on sert? Je vais me mettre en colère. Est-ce qu'on peut dire que je suis Gigi Lamoroso? Tu vois que ça te fait rire finalement, hein? Oh, t'as de la chance d'être drôle et de nous ramener des aides. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. On fiche des autres, ils vont délire ça, on leur fait confiance, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul. Wow. Jadoul des 20h, chez Louise. Ok, boomer, Maëva non seulement vous fait convulser, mais en plus de ça vous offre un moment brillant. Brillant, c'est bizarre. Oui, non, bof. Là, je vous fais deviner trois informations, c'est pas brillant, c'est intéressant, je dirais. T'es obligé de chier tous les lancements que je fais. Voilà. Mais je sais pas. Oui, non. On discute. On discute. Tu discutes. Bref, vas-y. Allez, on y va. Oui, allez. Parfait. Alors, première information. Et toi, t'es obligé de chier dès que je commence à parler. That's life. Et à me couper tout le temps avec les sons. Un jour, je vais la casser, ta boîte. Ma boîte, ma société. La boîte. Non, quand même pas. Juste, ah, la musique machine. La musique machine. Ouais, merci. Alors, première information. Oh, bah tiens. Est-ce que vous voulez bien la deviner? Non. Alors, le troisième âge de France et de Wallonie est anéanti. Pourquoi? Qui c'est une idée? Je sais pas, il y a peut-être plus de voyages pour les 3 fois 20? Non. C'est pas ça le troisième âge? Jadoul? Julien Lepers nous a quittés. Ah non, je crois qu'il s'accroche. Ah pardon, il s'accroche. Bon, bah, on n'a pas la bonne réponse, je pense. Non, mais c'est l'émission emblématique des chiffres et des lettres qui ne va plus être diffusée après 52 ans au programme. Oh bah alors ! Ah oui, non. Bah, ça va changer ma vie. Mais ça faisait de ça la plus vieille émission. Mais mes après-midi ! Mais oui, mais comment je vais faire ? Ah ben non, parce qu'il y avait déjà eu un premier coup en 2022 parce qu'il avait mis que les week-ends. Les week-ends. Les week-ends. Voilà, il y a son accent qui est revenu là. C'est la mamie de Maëva qui va être triste, mamie mais Paula. Mais mamie Paula, elle est... Voilà. Wow. Si elle nous écoute. Et donc voilà, c'est fini le temps où on devait mettre les lettres dans l'ordre pour essayer de deviner les mots et faire les calculs mentaux hardcore. Mais du coup. T'es sûr de la définition de l'émission? Non, parce que moi je vous explique, avec Antoine Libotte, notre journaliste, on avait un petit combo, c'est-à-dire qu'on se faisait un épisode de l'inspecteur Derrick. Et derrière ça, des chiffres et des lettres. C'était un combo, mais gagnant, le cocktail du bonheur. Mais je suis sûre que s'il avait été là, lui, il aurait réagi vraiment, il aurait pleuré à ça, à la fin des chiffres et des lettres. Il écoute. Et là, il pleure. Oui. Ah non, il y a sa copine qui vient de faire un petit post. Ah. Journée de deuil, la famille. Oh. Non, c'est très grave, mais bon. Mince. Bon bah, il va falloir. J'espère qu'ils ont une émission derrière parce que sans les chiffres et des lettres. On lui souhaite une bonne rétablissement, un bon courage. Mais si on veut consoler Antoine et vos grands-parents, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura quand même une émission de revoir, tu vois. Avec le premier présentateur qui était là en 72, il est toujours vivant, je trouve ça exceptionnel. Il sera là dans la mission de revoir et le présentateur de maintenant. Oui, parce que là, jusqu'ici, il attendait. Derrière le brouillard. Et là, il peut revenir, c'est bien. Exactement. Je vous ai prévu un petit bonus pour vous, voilà, pour vous consoler. C'est un petit moment bien, bien gênant dans l'émission. C'est cadeau, c'est pour moi. Être extasié, c'est voilà, avoir pris de l'extasy, être un et peu. Et vous y connaissez toutes les deux, là. Hein? Oui, non, mais on a entendu. En orthographe, dire, hein. En orthographe, je oui, disais. Oui, en orthographe, voilà. Nous n'avons pas. Enfin, moi, je n'ai pas expérimenté. Patricia, je ne sais pas. Un petit peu. D'accord. Très bien. Alors que nous, l'ecstasy. Ça, c'est bon. Non, évidemment, on rappelle que l'abus d'ecstasy, il ne faut pas le faire, en fait, tout simplement. Non, c'est stop. Il n'y a pas, d'extas. Zéro. Information numéro 2. Sauf si vous voulez pécho. Non, je plaisante. Non, jamais de la vie. Arrêtez, non. Mais arrêtez. Oh, oh là là. Oh. Information numéro 2. Non. Ah, c'est pas ça l'info 2. Ok, d'accord. Vas-y. Info 2. Qu'est-ce qui va faire son comeback sur TikTok? Les trucs qui sont partis de TikTok. Je vous donne déjà l'info. J'ai fait une petite chronique. J'en ai parlé mi-janvier. C'était un truc qui disparaissait, qui était supprimé de TikTok. Voilà. Normalement, vous devez vous souvenir. Mais j'ai la réponse. Vas-y, Jadoul. Moi je l'ai pas donc okay. Moi je pensais à peut-être une personnalité, j'aurais dit Loana, Madonna, enfin tout ce qui aime para, mais non, mais les artistes, il y avait tous les sons de je sais plus quel label, Universal et tout. Exactement. Qui était... Exactement. Et je t'ai écouté, hein. Et ça, je suis contente, j'adore. Mais donc du coup, en effet, en janvier, c'était à cause d'un petit différent, parce qu'en gros TikTok se faisait du pognon en mettant les sons d'Universal, et Universal, ben, il touchait rien, donc il était pas content. Et Universal disait tout le temps exactement. Et donc du coup, des artistes comme The Weeknd, Coldplay, Billie Eilish, Harry Styles, plein d'autres, n'étaient plus sur l'application. Alors c'était gênant parce que quand tu faisais une vidéo, ben, tu les avais plus. Mais même les vidéos qui avaient déjà percé avec par exemple une musique d'Harry Styles, elles existaient toujours mais sans son. Sans le son, ah oui. Et donc c'était vraiment, voilà. Mais alors il a fallu du temps, ça a pris quelques mois, mais ils ont réussi à se mettre d'accord et donc les musiques reviennent, pas d'inquiétude. Parce que là, tous les fans d'Harry Styles étaient juste en boucle sur. Et alors, larmes. Merci, ben, voilà, on a appris plein de choses cette semaine. Mais non, il y avait une troisième. Hein, ah pardon, continue. Derrick, tu es là encore? Derrick. Ah oui, pourquoi j'ai toujours Derrick? Question numéro 3, faut numéro 3, on peut y aller. Oui, vas-y. Okay. Dans quelle maison de dessin animé on va pouvoir dormir? Je l'ai. Vas-y. On t'écoute, Kix. Enfin, je l'ai parce que j'ai regardé justement pour un hôtel. Je suis tombé sur là-haut, la maison de là-haut. Exactement. Waouh. Voilà, c'est beau. Donc la maison là-haut, vous savez, la maison avec tous les ballons là. Eh ben, il y a une réplique qui a été faite par Airbnb. Et en gros, ça avait été déjà fait avec Shrek. Je ne sais pas si vous avez vu passer si, ça en si, Écosse, ouais. La réplique de Shrek. Et là, vous avez la maison de là-haut avec les petits ballons. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, elle s'envolera vraiment. Mais pas grâce aux ballons, il y aura une grue, en fait, qui vous mettra en hauteur. Alors, pour y aller, c'est gratuit. En fait, c'est un concours. Donc, il suffit juste d'aller sur le site, de mettre maison là-haut, enfin, sur Airbnb, de taper ça. Alors, attention, quelques petites choses à savoir. Déjà, vous avez jusqu'au 14 mai, 8h59 pour être exact, si vous voulez participer. Et bien évidemment, ça prendra pas en compte le billet pour aller jusque là-bas, parce que cette fois-ci c'est dans le Nouveau-Mexique en Amérique. Ah oui, c'est un peu loin quand même aller jusque là. Et ce sera deux jours du coup, ce séjour entre le 22 juin et le 8 juillet. Voilà, il y aura plusieurs séjours à gagner et ça se passera entre le 22 juin et le 8 juillet. Donc si vous voulez tenter votre chance, pourquoi pas. Jadoul, pour dormir dans la maison de Karl dans la haut. Tu ris pour avoir une grue qui fait qui transporte la maison. Mais c'est une réplique, t'as tout, c'est tout choupi. C'est génial. Je te rappelle que tu veux que je te raconte l'histoire de la maison des Simpsons qui a été reconstruite en vrai. Ouais, vas-y, gâche-nous le plaisir. Bah voilà, la fan de la série qui a reconstruit toute sa maison à l'identique que celle des Simpsons a vrillé complètement, est devenue malade. Et elle en avait marre que les gens viennent et veuillent louer sa maison. Du coup, elle l'a mise en location, en vente. Elle est jamais partie, donc elle a foutu le feu à la maison. Et donc, il n'y a plus de maison de Simpson. Le problème, c'est qu'elle était encore à l'intérieur quand elle a foutu le feu. Oui, ah, c'est le problème. Donc voilà. Ce sont des choses qui arrivent. J'espère que la maison de là-haut n'ira pas. Non, mais oui. Là-haut. Non. Mais après, c'est un séjour de deux jours, donc tu perds pas la tête en deux jours. Ouais. Enfin, j'espère. En plus, séjour de deux jours, c'est à peine le temps que tu arrives et que tu repars. Séjour de deux jours. T'as dit séjour de deux jours, mais genre t'as... C'est à peine le temps que tu arrives et que tu repartes. Oh, okay. Pour un petit week-end. Un petit week-end, oui, t'es jamais parti en week-end, toi. Non. Le mec, tellement côté de la blague. En plus, il ment. Tu veux pas juste qu'on kiffe, tu vois, un week-end, deux jours, là, et hop. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Merci, Maëva. Avec plaisir. C'est sympa, celui-là. Ouais. Non. C'est Jadoul. En podcast. Waouh, vous avez choisi une émission haute en couleur, haute en authenticité. Oui. Authentique. Je pense que c'est le mot, parce que c'est vrai que là, on arrive, vous savez, à la période charnière, c'est-à-dire le mercato, comme on dit en radio. Le moment où les autres radios sont peut-être intéressées pour reprendre certaines émissions, certains talents, aller chiner des gens et tout. Bon, déjà, il n'y a rien à prendre chez nous. Ça, vous l'avez remarqué. Mais alors, en plus de ça... si on devait vendre notre émission pour d'autres radios, comment le dire? Comment décrire cette émission? Écoutez, il y a une femme, elle fait un womanizer à l'antenne. Il y a un type, il sait pas de quoi il parle. Puis un animateur qui fait comme il peut avec trois rubans de scotch pour que ce studio tienne. Oui, c'est compliqué. Mais le mélange, vous savez, c'est comme quand vous êtes malade de plusieurs trucs en même temps. Parfois, ça s'équilibre. Oui. C'est vrai. Un dafalgan, ça fait le taf. Ou des trucs pas bons, tu mets ensemble, c'est bon. Voilà, c'est ça. Le gin tonic, le gin, c'est pas bon. Le tonic, c'est pas bon, mais ensemble, c'est délicieux. Alors, avec tout à l'alcool. Avec modération, bien sûr. Merci à tous. Allez, ça faisait longtemps, Maëva. Le 22 mai, c'est l'anniversaire de mon grand-père, ça tout le monde s'en fout. Bon anniversaire. Bon anniversaire, papy. Papy Jadoul, on l'embrasse. Mais c'est aussi le jour où le nouveau Petit Larousse édition 2025 va sortir avec 150 nouveaux mots, sexe, sens. Ça va, Jadoul? Ça commence bien. Locution et expression qui vont débarquer donc dans cette nouvelle édition. Et je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour de tout ce qui va débarquer. Ouais. Ok. Ça va. En top 10. Alors, en 10, on a Badiste. Vous savez ce que c'est? Comment? C'est pas Baptiste par quelqu'un qui a un nez bouché. Okay. Non, Baptiste. Non, c'est Baptiste, c'est joueur de badminton. Ok. Un nouveau mot. Baptiste. Baptiste. Voilà. Okay. Si jamais. Hein. On a en 9, trottinettiste. C'est quelqu'un qui fait de la trottinette. Bravo. C'est plus évident, ça. Ah bah si, elle suit. Hein. Skatepark débarque dans le dictionnaire. Oh, ça n'existait pas encore. Ah non, parce qu'il militait, il ne voulait pas que skatepark, qu'un anglicisme, soit dans le dictionnaire français. Il recommandait plutôt planchodrome ou parc à roulettes. Non, parc à planche. Pourquoi on dit skater et pas skatiste? Mais je te pose des questions, je suis pas, c'est vrai. Petit Robert ma tête, hein, moi. Hein. Qu'est-ce qu'il me demande, là, les trucs? Parc à planche, planchodrome. Moi j'adore planchodrome. Planchodrome, franchement. Planchodrome, t'as envie de faire une planche à au milieu aussi, tu vois. Donc, ça peut être sympa. En 7ème, masculinisme. Mouvement révolutionnaire antiféministe au discours misogyne. Ah, Jadoul. Non, plutôt Maëve. Bah, Non, c'est toi qui fais des masculinismes. Quoi? Hein? Vous me taillez à l'antenne là? Non. L'émission a démarré? Je préfère skatiste hein, quand même. En 6, empouvoirment. Comment? Ok. C'est une traduction de l'anglais littéraire. Empowerment. Empowerment. Ah, tout à fait. Pour désigner le processus sociopolitique qui associe une dynamique individuelle d'estime de soi et qui, dans le développement de ses compétences, est un engagement collectif et d'action sociale pour l'initiatif. Psyste. Voilà. Ok. À peu près. Ça, c'est la définition. Mais le livre n'est pas encore sorti, donc j'ai pas tout lu. En 5e. Afro-descendant, une personne née hors d'Afrique, mais qui descend de parents ou d'ancêtres d'origine africaine. D'accord. Ok. Voilà. Je pense que ça peut s'étaler aussi au Carolo. Carolo descendant. Tu vois, ta deuxième génération en arrière, t'as des gens qui viennent de Charleroi. En 4, dans le dictionnaire, cette année débarque Beyoncé. Quoi? Beyoncé, c'est quoi, la définition? Mais non, dans les noms propres. Ah, oui, évidemment, il n'y a pas que des définitions dans le Beyoncé. Truc. C'est marqué la queen de la pop. Imagine dans le dictionnaire Beyoncé ou Round the World ou Round the Crazy in Love. En 3, on a. Je la confonds toujours avec toi. Oh, arrête, ça va être méchant. Si c'est méchant, je te jure, je vais vraiment m'énerver. C'est un rapport avec une dent. Parce qu'aujourd'hui, t'arrêtes pas de me tailler, j'en peux plus. Mylène Farmer. Ah oui, non, ok, rien à voir. Mylène Farmer, en 3. Elle est complètement folle. Oh, ça va. Non, ça va. Madame Farmer. Farmer, j'ai pas de son de. Non, t'as la version allemande, peut-être. Du coup, ce sera la nouvelle version de poche, alors la. Mylène Farmer. Non, ok, pardon, je voulais faire une blague. Merci à tous. Merci. En stand-up. Non, on s'en fout de celle-là. Ah, voilà. Non, ça c'est Régine. Ah, pardon, oui, désolé. À quand Régine dans le petit Robert d'ailleurs? Oh, il y est. Et s'il n'y est pas, il y est dans nos cœurs. En 2, Omar Sy. Et en 1, Antoine Griezmann. Le okay. Footballeur. Non, le mec qui fait la pub des rasoirs. Ah, ah oui, ok. On est fort en courant, nous. Ah, nous, si on peut vous aider dans l'actu. Bon, voilà, c'est le top 10 des nouveaux mots. Courez en librairie et dans toutes les bonnes crèmeries. Achetez le nouveau dictionnaire. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas équipé d'Internet pour avoir des définitions. Pardon, quoi, j'ai dit quelque chose? J'ai tué un marché? Non, ok. J'adoule. Bah, tu sens bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de soucis. Waouh. On y va. Place à La Molaire nous explique. C'est écrit noir sur blanc. J'ai lu le texte. Je sais, je l'ai vu dans la conduite. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je sais pas qui s'est permis d'écrire ça. Ça commence par Jas, ça finit par Doul. Et je t'emmerde. On n'a pas de. Mais parle au propre, s'il te plaît. Pardon, c'est... on a des enfants peut-être qui nous écoutent. Pardon, j'avais pas capté qu'on était à l'antenne. Et puis, on parle pas comme ça. Mais c'est vrai. Non, t'as raison. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi là? On souhaite un bon anniversaire à Nostalgie ou on a un non, autre truc de prévu? Non, c'est moi, je vais vous parler, je vous explique. Le Met Gala. Ah oui. Alors, j'en ai déjà parlé avec toi, je sais que toi, tu t'en fous, t'as jamais entendu parler de ça. Mais de ces temps-ci, on voit un peu ça partout sur les réseaux sociaux. Je sais pas si t'as vu, toi. Moi, je l'ai vu sur TikTok. Exactement. Ah, tu vois? Ah ouais. Et c'est, en fait, c'est un peu le truc où tu vois toutes des tenues bizarres, tu te croirais un peu au Capitole dans l'univers d'Hunger Games. Ou à la Fashion Week. Et plus t'es à poil, plus tu gagnes. Même pas, c'est pas vrai. Wow. Mais dans le milieu de la mode, faut savoir que c'est une des soirées annuelles les plus attendues. Et c'était lundi soir à New York. Alors, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas vraiment de prix, il n'y a pas de spectacle. En fait, c'est juste une collecte de fonds, en fait, pour le Metropolitan Museum of Art de New York. Voilà, ça vous savez. Ah, c'est de la charité. C'est ça, et c'est hyper select. On doit recevoir une invitation pour y aller. On ne peut pas y aller comme on veut. Et c'est alors toutes les stars du moment. Par exemple, cette année, il y avait Zendaya, Cardi B, Bad Bunny, Dua Lipa, Kim Kardashian, Ariana Grande, Lana Del Rey. Et du côté de chez nous, il y avait l'influenceuse Lena Situation, qui était invitée pour la deuxième fois. Elle avait déjà été invitée en 2022. Et Aya Nakamura. T'as pas reçu ton invitation, Jadoul? Non. Si, mais je n'ai pas été au courrier cette semaine. La tenue n'est pas arrivée à l'heure? Non. Ok. Bah attends, ça doit être chiant, ça doit être ultra select comme truc. Exactement. Et alors, chaque année, il y a un thème. Cette année, c'était les belles endormies, réveiller la mode. Et tu dois absolument rester. Mais quoi, les grosses bêtes endormies? Les belles endormies. Les belles, mais. Les belles, belles, belles, comme moi. Ça va sortir chez Disney, normalement. Vous avez vu comme elle a pas assumé de dire jusqu'au bout, comme moi, elle a déjà rigolé pour désamorcer. Et elle a reculé. Dis-le, Maëva. Dis-le que t'es belle. Ouais. Les belles, dis-le! Les belles endormies. Bah, Eva, sinon, ça sera pas la suite. Je suis belle. Non, mais non, sincèrement. Non, sincèrement. Je suis belle. Mais ça va, on n'est pas dans un truc. Si, démotivation. Tout le monde claque des doigts. Donc, le thème de cette année. Non, mais on va pas te lâcher. Non, non, tu vas casser ma chronique et ça va faire 8 minutes et tu vas râler. Bah, justement, on leur fait vite. Dis-le que t'es belle. je suis belle. Waouh, ouais, c'est quoi, déjà mieux. Crédible. Ouais. Merci. Pas mal. Vas-y. Donc je disais, le Met Gala, chaque année il y a un thème. Cette année c'était les belles endormies, réveiller la mode. C'est un peu des thèmes farfelus et il faut absolument que ta tenue rentre dans le thème forcément. Et donc c'est super, okay. C'est super select, etc. Pardon. Et alors il y a un petit truc un peu particulier, c'est qu'il y a des règles assez farfelues pour pouvoir assister au Met Gala. Faut être belle. Par exemple. Il faut dormir non, et qu'on réveille. Je pense pas, je sais pas, ouais, si. Il faut être une star déjà. Bon, non, il faut être majeur. Okay. Absolument. Donc tu pourras pas jamais y aller si t'as moins de 18 ans. Tu peux pas utiliser ton téléphone. Les téléphones sont interdits. Tu peux pas faire de selfie. Tu peux pas scroller sur un Facebook si tu t'ennuies. Y a pas de téléphone. C'est donc. Bien, c'est pas c'est, mal. C'est la star qui peut pas l'avoir ou les gens qui. Les gens qui sont invités, c'est okay. Que des stars qui sont invités en gros. Ouais. Non mais. Ok, ah, y a pas de public. Non, non, c'est juste des stars entre elles. Okay. Voilà. Applause. Tu peux pas décliner. Donc tu dois forcément avoir une invitation et tu peux pas la décliner. Si tu la déclines une fois, tu ne seras plus jamais invité au Met Gala. Oh. Alors imagine, tu sais, t'as ton mariage ou quoi, bah, tu dois tout annuler. Ouais. Ah non, c'est juste quoi ? On dirait vous à l'émission. Ouais. Pourquoi ? Bah tu viens pas une fois, tu reviens plus jamais. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est une œuvre caritative, mais ils font chier jusqu'au bout en fait. Ouais, c'est ça. Alors encore plus farfelu, tu peux pas manger d'ail, d'oignon ou de persil. Ça, c'est, j'impose la même chose en émission. En fait, c'est le mégala, c'est ici. Mais j'ai l'impression, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec nous. Hein. Tu ne peux pas fumer. Bah pareil. Il y a des gens qui se sont fait virer pour avoir fumé au Met Gala parce qu'ils se cachaient dans les toilettes pour aller fumer. Par exemple, Dakota Johnson, tu sais, celle qui joue dans 50 nuances degrés. Mais je suis désolé, dans les soirées où t'as un peu des célébrités, si tu clopes et baisses pas dans les toilettes, c'est que c'est pas une bonne soirée. Ah ben, elle s'est fait choper à fumer dans les toilettes et tu l'as revue depuis au Met Gala, moi non. Alors que, non rien. On continue. Et pas de garde-corps, pas d'agent, pas de manager, tu dois y devenir seul. Ça c'est bien, parce que les gens qui se prennent pas mal la tête et qui se prennent pas pour de la merde, ça les calme un peu. Genre toi, soit toi tout seul sans ton téléphone. Genre Léna situation, je pense qu'elle était perdue. Oh dis c'est méchant, elle est géniale. Ah pardon. Elle est venue en Belgique en plus il y a pas longtemps. Ah, bah, c'est bien, on l'embrasse. Et toujours dans ce truc de tu viens seul. Elle évite, donc celle qui c'est Anne Wintour pardon, qui invite les gens, elle évite aussi d'inviter les couples. Ça peut être ton conjoint ne sera pas invité parce qu'en fait, on veut que tu sociabilises, donc pas de téléphone, etc. Ah, c'est bien, ça pète les bulles, et, ça. Et s'il y a ton conjoint qui est là, en gros, t'as pas intérêt à rester trop longtemps à mais côté de lui. Cool, mais sinon, l'année génial. D'après, il y aura qu'un des deux qui et sera invité. Et on devrait faire ça dans les voyages d'entreprise. Oui, c'est vrai. Parce que les voyages d'entreprise, tu parles qu'aux gens à qui tu parles d'habitude dans l'année. C'est pour ça que j'y vais plus aux voyages d'entreprise. Mais si, parce que souvent ils te font faire des équipes alors avec des gens. Oui, il y a des équipes, tu choisis qui ? Ah bah ouais, non, tu choisis pas, ils t'imposent des équipes. Alors ça, ils nous ont pas fait, mais c'est une bonne idée ça. Voilà. Si tu veux, tu peux m'appeler, je t'organiserai ça. Ouais, pas mal. Voilà, c'est tout pour le Met Gala, comme ça vous en savez plus. Wow. Le Met Gala. Le Met. Le Met. Met. Le Mess, ça c'est à la RTBF, c'est la cantine. Ok, d'accord, pardon, c'est rien à voir. Merci Maëva. Avec plaisir. On dormira moins bête et désormais on connaît le Met Gala. Exactement. Moi, ça me parle pas, hein, tout ce qui est people comme ça. Hein. Mais c'est parce que toi, tu t'en fous, mais il y a des auditeurs, ça les intéresse. Bah, dites-le moi sur mon Instagram, Jajadoul, je lis tout. Et si j'ai au moins un message de quelqu'un qui me dit ça m'a intéressé, tu pourras refaire des trucs dans ce goût-là. Mais, maman, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, je connais Isabelle, je filtre. Non, un message d'auditrice. Mais, d'auditeur. Maman de Kiki d'amour. Non, mais arrêtez avec vos mères. Oh. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh. Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. On a rendez-vous avec une découverte dans les bas-fonds de l'Internet. C'est notre séquence perdue sur l'Internet, qui porte très bien son nom, étant donné que, oui... Voici trois chemins qui s'offrent à vous pour vous perdre sur les eaux de web. Parfait. Premier chemin. La rose et l'armure. Oh, c'est beau, c'est ça. Poétique. Ouais. C'est de La Fontaine. C'est Jadoul. Ah, ok. Ensuite, on a la rose et l'épée. Ouais. Et en trois, la rose et... le rosé et l'épée. Ok. Quoi ? Bon, choisissez votre chemin et on va se perdre sur Internet. La rose et l'épée, c'est l'épée, pas non, l'épée. Non, ça c'est le 3. Ah. Le rosé et l'épée. Bon, ok, voilà. Non, oui, donc il y a bien une blague dans le truc. Oui, je pense que le dernier c'est une blague, merci. Okay. Bon, wow. Bah, je vais dire le 2 alors. À la fine fleur de l'équipe. Merci. La 2. La rose et l'épée, Maëva. Pareil. Vous êtes perdu sur Internet. C'est un sans faute, oui. Ah. C'est la rose et l'épée. Alors pour une fois, c'est pas un youtubeur qui va nous faire un facecam. mais c'est effectivement, comme toujours, une chaîne à 3 abonnés et 2 vues. Ok. C'est une chanson. Ah, on écoute. Si on s'offrait un voyage sur la lune, comme le bon vieux Jules Verne en a rêvé. Alors, oui. C'est poétique. On dirait une chanson pour enfants, en fait. 3 cafés gourmands. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? 3, 2, 1. Pour dépasser Gagarine dans la gloire, il y a une combine qui sort de chez Mickey. Quoi? Monsieur Kubrick filmant la belle histoire de l'Amérique qui a l'UNICEF. Oui. Alors, vite fait, j'ai oublié de vous dire que sur cette chaîne YouTube, ils sont pour la théorie du complot qui dirait que l'homme ne serait jamais allé sur la Lune. Ah, détail. À part Milou de Tintin. Et qu'il s'agit d'Hollywood qui aurait absolument tout inventé. Allô Houston, répondez, on appelle du studio de Warner et compagnie. D'ici la scène nous paraît si réelle. C'est une sonnerie. Un pas pour l'homme et le cinoche aussi. Ouh, bras, ça dénonce. La balance. Oh là là, ça fait peur. Boucave. Et vous savez quoi? Tant qu'à répondre, tant qu'à répandre des fake news aux enfants en musique, bah, pourquoi pas essayer, nous? Oui, c'est vrai. Attends, on a récupéré l'instru. C'est vrai que la Terre est plate et le réchauffement climatique, c'est du bidon. Merde! Je suis pas dans les temps. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le concept. Bon, on est perdu, on est d'accord. Oui. Là, franchement, tu t'es vraiment perdu loin cette fois-ci. Ouais. Il faudrait peut-être qu'on revienne à des trucs un peu moins. Un peu plus. Des gens ivres comme l'autre fois, c'était oui, bien. Oui, c'était bien. Pas plus mal. Ouais. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Il est temps, 22h06, on démarre la Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music. On y va, c'est parti pour un blind test version gens qui chantent mal. C'est simple, voilà. Okay. Bon, tout vient de TikTok et le but est de reconnaître artistes et titres originaux. Ok. Bon chance. Je vous préviens, cette semaine c'est coton. Ok. Là, c'est la première réponse, coton. Ok. Super. Merci. Décidément, ce soir, je préférais quand t'avais mal aux dents, toi. T'es toujours c'est mal aux méchant. Dents. Moi méchant. Non. Non, c'est pas le genre de la maison. Franchement. Le Grinch. Un peu satirique. Quoi? T'es le Grinch. Mais tout ça. Maîtrise pas. Je suis l'huissier du choir. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. Maîtrise pas. La la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie dans mon choir. Comment ça va ici? Ah, maîtrise pas. Ça fait plaisir de vous croiser ici. Mais de même. Chez? Vous sentez les herbes de Provence? Chez? Vous étiez à la pizzeria? Chez? Ah, vous avez attendu votre tour? Ah oui! Et vous êtes fait plaisir? Ah, je me suis régalé! Vous comptez rentrer une note de frais? Non. Ah, ben c'est très bien, vous pouvez rester. Merci. Allez, je vous en prie, voici. Tout le monde est prêt, Kix? Oui. Maëva? Oui. Voici la première manche, on se concentre. Je sais ce que tu vas dire. Pierre Garnier! Allez hop! Le titre? Ah mince, attends. Ah bah voilà, on fait le malin. Mais t'es petit... prêt à partir? Je connais pas, non, j'ai pas regardé la Star Academy. Et tout est rangé. J'aimerais regarder, mais c'est bien. J'aimerais garder. Et après? Le meilleur de ce qu'on était. Voilà. J'aimerais garder. Le titre, c'est ce qu'on était. Ah, ce qu'on était. Ce que je disais. Mais pas j'aimerais garder, non. Bah, j'ai fait la phrase complète. Ah, bah, imagine, les animateurs radio. Et on écoute maintenant sur la platine Pierre Garnier. J'aimerais garder. J'aimerais garder. Ce serait très facile quand même. Version TikTok. J'aimerais garder. Ouf. Le meilleur de ce qu'on était. Waouh. Et je sais qu'ailleurs tu iras chercher. Ouh, pardon. Le coup est parti tout seul. On y va, on se fait la deuxième manche. Oui. Concentration, c'est un habitué. Ah, c'est Daddy Miles? Non, c'est pas Daddy Miles. Ah, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Eon Love. Ah oui, c'est vrai. We used to have a little place. We should be at work and making light. We're looking out on the greatest view. Strip-out en même temps. J'ai pas d'idée. c'est dur. La balle. Non. Nous voilà. Ah oui. Devant l'inconnu. Et on fila des années-lumière de tout ce qui nous retenait. 3, 2, Oshi, 1. On est seul dans la nuit. Mais enfin, c'était évident. Joseph Salva. Car c'est une autre saison qui nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Entre la graisse, le sang et la chaleur. La version TikTok est sympa. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Et il l'a fait aussi en anglais. So I'll be with you. Il l'a pas fait en anglais, il y a des parties en anglais. Et juste pour toi, Maëva, on a isolé la fin. Comme ah, d'habitude. Merci. So I'll be with you. Kisses. Ah. Everybody. Bye. Voilà. Oh. Il a fait la totale, il les a tous dit. Troisième manche. Ah, j'aime bien. Ah, regardez, moi, je vous spoil pas d'indice. Oasis. Oui. Attends, laisse-le-moi. Ah, attends, laisse-moi. Attends. Mais on te laisse. Goodbye. Fameux. Ah. Oh, Benito d'or, mais il n'y a pas écrit Baker. Mais tu m'empêches si. De vous concentrer. Pardon. In anger. Oui. Goodbye. Non. Non. Back in anger. Presque. Allez, je te le donne. Don't look back in anger. Oui, ça aussi, vous m'enterrez là-dessus. On fait ma playlist enterrement cette semaine. Et Ashley, je trouve qu'elle est pas mal. Oh, elle est aussi partie tout seule. Je la ressuscite, elle finit la chanson. Attention à la montée. Respire. Allez. Pas de regret finalement. Avant-dernière manche. Oui. On fait pas les points. Oh bah si vous voulez. On maîtrise pas. Maîtrise pas. Ça fait un pour tout le monde. Ça valait la peine. C'est vrai que ça montre qu'il y a une égalité. Il y a du jeu. C'est ça. Ça doit se fighter là. Et je peux me fighter avec le micro. Non mais toi tu joues pas donc arrête, non, arrête. C'est inaudible pour les gens qui nous écoutent. Excusez-moi. On y va. Avant-dernière manche. Waouh. Ah oui. C'est un habitué. Les dimanches. Nager dans les eaux troubles. Ah, Mylène Farmer. Oui. Allez dans les autres murs. Tout est qu'à partir d'un nazine. Ah. Attendre ici. Ah. La feuille. Désenchanté. Waouh. T'as réussi. Mais c'est fort. On en parlait tout à l'heure. Sur la qualité, on la fait pas. Tout est KO. À côté. J'ai envie, tu sais, d'avoir une voiture décapotable. Et je fais au vent. Les idiots sont morts. Waouh. Attention. C'est aléatoire, hein, les mots. Vas-y. Abîmé. Ah. Bon, on va avancer dans la chanson parce que le gars, il un mot par minute. Tout est chaos. Ah oui, ça, oui. Côté. Oh. Attention. Tous mes idéaux sont morts. Des mots. Et pourtant, c'était pas le plus cher. On se fait un petit récap. On maîtrise pas, maîtrise pas. Maëva remporte pour l'instant avec 2 points. Et Kix ? Et Kix, 1. D'accord. Si. Ok, bon, bah on se fait la finale alors. Si. Allez, dernière manche. Quand j'ai froid, elle se fait lumière. Comme un soleil dans l'existence. Les yeux de la maman. Kenji. Oh mon Dieu, laissez-les-moi. Les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le Oh, ah non, mais non, mais s'il y a bien un artiste, on peut pas mettre un coup de fusil. Pardon, mais ça part tout seul. Ah, c'est même pas toi qui touche en plus. Attends, je vais la jeter dans. C'est ce qu'il a dit aussi. Hein. Je la jette dans le fossé. Voilà. Oh pardon, elle a redonné un coup. Ça a peut-être touché quelqu'un. On sait pas. Version Johanna. Elle est ma quête, elle est mon cœur. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Wow. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde. Ouais, c'est pas mal. Elle m'emportera avec elle. Attention. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Non, t'es pas dans le... Enlevez-moi même tout le reste. T'es pas dedans. Pas la douceur de ses gestes. Oh, finalement, l'arme était bien. Attends, hop là, encore un petit coup. Allez, bouge encore. Bon, vite. On maîtrise pas, maîtrise pas. On veut savoir le dénouement. Qui remporte ce Blanklet cette semaine? Et chez Maëva avec 3 points. Redites-le, combien de points? 3 points. Ah, vous vous envolez par la même occasion. Ah ouais, je trouve ça sympa. Merci de nous avoir choisi encore cette semaine. On a passé un chouette moment ensemble. Et on se retrouve d'ici là partout en podcast. Ouais. On vous fait des bisous. On vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Jadoul revient mercredi prochain.